Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux éclairs vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage requis. Gabriel Legrasse nous rend visite pour sa chronique aléatoire. On reçoit Angélie Durocher qui nous parle de la GE. Et on s'éduque un peu grâce à C'est un fait. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 29 février 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. On t'en dirait des studios de ces fois à Trois-Rivières. En cette journée où on ne se voit pas, François, t'es où? Salut. Non, en plein milieu des micros. Tu vois ta main? OK. Donc oui, on ne voit rien devant nous à plus de 2 mètres environ, mais quand même, on est heureux de vous voir presque. Mm-hmm. Ouais. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir la présence... je dois commencer en vous disant qui on n'aura pas aujourd'hui. Jasmine Raymond-Drainville. Oui, elle est malade. Oui, on lui souhaite un prompt rétablissement. Notre titre? Ouais. Pauvre titre? Ben... En plus, c'était sa dernière chronique aujourd'hui avant le congé, puis après ça, elle revenait l'autre semaine d'après. Pas de palmarès pour elle, rien. Et là, en plus, elle rate sa dernière. Elle peut même pas nous dire bonnes vacances ou au revoir. On va lui dire, par exemple. Oui, c'est vrai. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Au revoir. Pas des très belles vacances. Je sais pas si on va être capable de se présenter à la grosse manifestation de demain. Oh, oui, c'est bien ça. Donc, elle sera pas là à 7h30. À la place, on va faire dans la première heure CNX et C'est un fait. Donc, deux fois plus de contenu. Pas vraiment, finalement. Ouais. Ensuite, à 8h, on aura Angélie Durocher, sa chronique sur la GEQTR. Bon, oui. De quoi elle nous parle aujourd'hui? Ben, toujours en lien avec les frais de scolarité. Le gros dossier. Le gros dossier chaud. Parce qu'il va y avoir une manifestation demain. Ouais. À Montréal, si je ne me trompe pas. Non, Québec. Québec. Je pense que c'est à Québec. Ouais. Québec. Et je pense que les autobus ici partent vers 11h30. Et puis, il faut s'inscrire. Hein, ah, aux oui. étudiants qui veulent y participer, il faut s'inscrire. Je pense qu'il y a une feuille d'inscription à l'AGE, directement au bureau de l'AGE 8h. Mais Angélie va nous en parler plus longuement. Tous les détails tout à l'heure à 8h. Ensuite, à 8h30, normalement, on l'a le mardi matin, mais Gabriel Degrasse va être avec nous aujourd'hui pour sa chronique aléatoire sur vraiment ce qui lui passe par la tête. On ne sait jamais trop ce qui s'en vient dans sa chronique. Donc, c'est à 8h30 tout à l'heure. Mais on débute l'émission avec une pièce qu'on a entendue hier à l'émission dans la chronique de Stéphanie Gagné, ton plat favori. Et on l'a bien aimé, donc pourquoi ne pas la réentendre pour essayer de s'habituer un petit peu au son d'Ariane Moffat sur son nouvel album Emma. Voici Too Late au 89.1. C'est fou! Elle repasse la voix. C'est vrai, je devrais. Hein. Your energy, your ADD, I miss your fears, the souvenirs, I miss your sweet taste, you laughed hysterically, I miss your grace and your flexibility, I miss the nights, the frantic pace, I miss the consequences, the price to pay, oh I miss Paris, pornography, your charge on me, I miss the way you used to love me. Now

Realm of Mind, Dawn on Moon par Apturus. Celle-là était quand même pas pire. Ben, tout un hit. Il y avait un petit bout plus qui bougeait un petit peu trop peut-être pour ton cerveau. Là. Tout un hit. C'était formidable. Tout un hit, formidable. Hey, c'était pas sarcastique. Ben non, hein. Alors, on revient avec la chronique, c'est un fait. Ah, tu me feras un CD. Hein? Oui, je te grave ça en 3-4 copies. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. L'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Care of his own. Do you dare? cheek. Cause maybe there's evil at the root. Cruel or kind, it's on your mind. Go on and give the dice a roll. Never did believe in saying fortunes are foretold. Easy come and easy they will go. Didn't you read it in the detail? Takes care of his own. Battle Scars et The Devil Takes Care of His Own, c'était précédé juste avant. Island! Oui, on les aime. Formation Island, c'est très bon. Quel bon blague, ça, quand oui, même. Oui. J'en viens pas. Hein? Julie est comme, what? Quel bon blague. Oui, je suis... Je pensais, d'habitude, t'es sur le 3, mais t'es sur le 4. Allô? Hein? Parce qu'elle s'est pas plaguée. C'est bon trou, c'est ça? Après, ouais, des trous, là, Julie, elle se... Écoute, je vais y écrire, je pense, tantôt. Ouais, il va falloir que tu me fasses un petit cours. D'accord. Ben, tantôt. Ouais. Tantôt. Pourquoi tu vires sa feuille et tu revires sa non, feuille? Non, mais c'est parce que je voulais dessiner, mais là, je ferai pas là. OK. C'est parce que, là, à un moment donné, bon. Ça va être long avec à comprendre. C'est ça. Sûrement. Puis plate à la radio, peut-être. Hey, c'est écrit dessus les micros! Ben oui, c'est ça. Mais oui, il y a une raison, il y a une logique. La lampe était par-dessus, c'est... OK, bon. Hey, Acid Inside, hein? On voit plus où on s'en va avec ça. Moi, non. Je sais qu'à la place de te faire des dessins, je vais juste te dire oralement quelques affaires qui vont peut-être, genre, être nouvelles pour toi. Voici, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. François, qu'est-ce que t'allais dire? Mais dire toi, sans dessin, c'est correct. Hey, il est insultant contre tout le monde aujourd'hui. Non, sans dessin, pas de dessin. J'en comprends pas. Bon, on va te faire un dessin. Commençons par une rafale de fait rapide. McDonald's, vous connaissez McDonald's, les restaurants? Oui. Avec une apostrophe, c'est à la fin. On a arrêté d'offrir des choses pour brasser le café. Avant, il y avait une petite cuillère à la fin. Je sais pas si vous vous rappelez, les petits bâtons à café avaient une cuillère à la fin. Non. Ça vous dit rien? Non. Bon. Ils ont arrêté de fabriquer ça parce qu'ils ont appris que c'était utilisé comme pour la cocaïne, ces petites cuillères-là. Non. Les gens allaient voler des cuillères. Ils ont arrêté ça. Bonne idée. De toute façon, je vois pas à quoi ça servait vraiment. Un petit bâton de bois, ça fait bien la job. Bien la job. Mais peut-être pour les mecs café, fancy, bistrot, truc à faire, là, peut-être pour enlever la crème fouettée puis manger ça. Peut-être un petit peu. Sont détestables un petit peu, hein, François? T'as... Oui. Ouais, c'était bon. Les aéroports. Vous savez que les aéroports ont tout le temps un code pour à trois lettres. Ce genre? Bon. Oui, pour se différencier partout dans le monde. Exactement. Ouais. Ben, avant ça, il y en avait juste deux. Et quand c'est devenu un standard d'en avoir trois, c'est qu'il y avait seulement deux lettres. On a ajouté un X. C'est pour ça qu'on a l'aéroport LAX. Oh. La X. C'est pas l'axe, là, comme dans... C'est où, d'autres, ça? D'autres mots qui ont l'axe dedans. C'était à Los Angeles. LA. Ouais. LAX. Ouais. Logiquement, ouais. Je veux pas te traiter de rien. Montréal, c'est quoi? Ouais, Montréal, c'est quoi? Ah, là, par contre, c'est moi qui l'ai fou. Je sais pas. Fais donc des recherches, François. Ben, c'est quoi, t'as peu là? Montréal, aéroport, puis en passant, si Jasmine était ici pour faire une chronique linguistique aujourd'hui, elle dirait, faites attention, c'est pas aéroport, c'est aéroport, comme la barre de chocolate. Hein? Comme la barre de chocolate? La barre de chocolate, ouais. C'est aéro, ça. Ouais. C'est comme ça que tu le sais, ça. Mm. Ah. Mm. Mais oui, c'est un truc mnémonique. GMT. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le fuseau horaire. C'est super. Wow! YUL. Wow! YUL. Non, ça c'est... Non, c'est ça, je suis sûr. YUL. Super. Peut-être. Selon le contrat de Jacob Dylan, est-ce que vous connaissez Jacob Dylan? Prenez un guess à deviner c'est qui Jacob Dylan. Jacob Dylan. Mais le nom dit quelque chose. Le fils de Bob Dylan? Exactement. Oh. Mais selon son contrat, on devrait faire aucune référence à Bob. Le fils de Bob Dylan sur aucune de ses affiches de spectacle, aucune publicité. Il n'y a personne qui a le droit de dire que c'est son fils parce qu'il ne veut pas être associé. Peut-être pas qu'il veut pas être associé, mais il veut pas genre que les gens disent qu'il a eu son succès seulement parce que c'est le fils de Bob Dylan, même si c'est complètement le cas. Okay. Ouais. Je l'ai dit, mais j'avais pas le droit de le dire. C'est ça. Je t'ai censuré d'ailleurs, on va. Pour une fois l'émission diffusée, on va censurer ça. On va couper ça. C'est bon. On est pas en direct. Là. Surtout pas. Ouais. Y a un autre fils d'un oncle, Adam Cohen, le fils de Leonard Cohen, là, que dans tous les articles que je vois, c'est tout le temps le fils de Leonard Cohen, c'est tout le temps mentionné. Donc lui, il n'y a pas de cette clause-là apparemment dans son contrat. Selon un site web pour compter les calories, on dit que s'asseoir sur la toilette pendant 8 heures de suite, d'accord, ça dépense le même nombre de calories qu'une heure de jogging. Mais comment qu'ils ont fait le test pour le savoir? C'est ça qui m'intrigue. Une chance qu'il y ait un site web pour ça. Hein? T'as pas à le faire pour vrai. Ouais, en tout cas. C'est bon à savoir. Hein? Ouais, quand je même. Vais préférer faire du jogging. Comme tout le monde, j'espère. Ouais. Une personne sur 20 a une côte en trop. Ouais. Les côtes, c'est... Une côte, là? Dans le, ici, là. Sur, dans le... Ouais. Les côtes, là. Une de trop, une de trop. Une personne sur 20. Une personne sur 20. OK. Si t'essaies, et là, on va faire le test, si vous essayez de dire l'alphabet... OK, sans bouger votre langue ou votre vos lèvres, chaque lettre va sonner pareil. C'est beau. Ça valait vraiment la peine de le faire, je crois. Le café instantané a été inventé en 1901. Eh ben, c'est mauvais depuis, tu sais. Ça goûte pas bon depuis 1901. Ça pourrait être leur slogan, ça. Toutes les horloges dans le film Pulp Fiction, fiction pulpeuse, sont à 4h20. 4h20, 4:20, ouais. L'heure où les gens prennent de la drogue. C'est comme une heure très connue. Ouais. Mais oui. C'est for le 4:20. D'ailleurs, le 20 avril, qui est la journée du 4:20, s'en vient bientôt. Ouh, hein, qu'est-ce qu'on va faire pour cette émission-là? Pas grand-chose de bien spécial. Partez! La finale de l'émission MasterChef Australie était tellement anticipée que ça a forcé à déplacer, à annuler un débat pour les élections nationales en Australie. C'est vrai. C'est la finale de la deuxième saison de l'émission MasterChef Australie qui était tellement intense. Les codes d'écoute ont été prévus. Donc, ils disaient que les codes d'écoute allaient être vraiment bonnes. À l'avance, ils savaient. Je ne sais pas si on fait des sondages. Comment ça. Ils ont décidé d'annuler ce débat-là. Le débat était entre le premier ministre australien et son opposant pour les élections générales. Au-dessus de 4 millions de personnes ont regardé la dernière émission de la saison de MasterChef. Puis, à 5 millions à la fin de l'émission, quand ils ont annoncé le gagnant, qui était Adam Leah. Oh. C'est super. Mais les débats ont déjà été déplacés ici aussi. Pour les matchs de hockey. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Exactement. Ça, je peux quasiment comprendre. Un sport national. Mais une émission de télé-réalité sur les chefs. Bof. Ouais, chacun. On va annuler le débat parce qu'il y a Campay à soir. Non. Non? D'accord. Rire est un des meilleurs, des meilleurs médicaments, ouais. si on veut. Le rire, hein? Ce qu'on n'a pas souvent dans cette chronique-là avec les blagues que je fais. Hein? Ça arrive pas souvent. Hein? Non. Mettons. Donc, on dit que ça peut régler bien des problèmes de rire. Hein? Ça renforcit votre système immunitaire, ça augmente votre énergie, ça diminue la douleur, ça vous protège des effets du stress. Ça peut vous aider à relaxer jusqu'à 45 minutes. Donc, je sais pas comment ils ont fait cette étude-là, mais de rire un bon coup, ça tranche 45 minutes. Et ça peut même améliorer le fonctionnement des vaisseaux sanguins. Donc, ce qui va faire descendre les chances d'avoir une attaque cardiaque. Eh ben, j'aime ça. On dit qu'on arrête de... On rit moins, plus le temps avance. On dit que les enfants rient en moyenne 300 fois par jour, alors que les adultes rient environ 15 fois par jour. Ben, ils ont juste à écouter Assemblage Requis le matin, puis ça va être établi. Ça, c'était une bonne joke, Anne-Julie, parce que c'est pas vrai. Moi, je vous ai de quoi de le fun sur votre émission, puis vous riez de moi. Ben non, mais je ris pas de toi, je ris de ta blague. C'est une bonne blague, qu'on est drôle. OK. C'est un échec total, cette blague-là. Hein? Vous pouvez utiliser des croustilles pour partir un feu. Des croustilles, des chips. c'est vrai, c'est vrai. Techniquement, bon, on peut utiliser pas mal n'importe quoi pour partir un feu. On s'entend qu'il y a bien des choses qui sont flammables ou inflammables. Oh, ça, c'est dur. En anglais, c'est flammable, mais en français, c'est inflammable. Alors qu'en anglais, c'est uninflammable. Alors que c'est super compliqué, je pense. OK. Ininflammable. Alors, oui, les croustilles sont, dans le fond, c'est un des objets les plus inflammables. Donc, ça fonctionne encore mieux que des branches d'arbres ou des trucs comme ça. Et ça va brûler assez longtemps pour même allumer du bois qui serait humide. Ouais. La raison que c'est aussi inflammable, c'est à cause de l'huile, évidemment, qui est dans la croustille. C'est une huile qui est relativement lente à brûler. Et puis, ça peut tenir une flamme assez longtemps. Donc, voilà. Les croustilles, pour partir un feu, essayez ça à voir. On dit que ça prend environ un cinquième de seconde pour tomber en amour. Oui, c'est des chercheurs qui ont fait l'étude là-dessus. Hein. Une fois qu'on a réglé le cancer, on peut faire n'importe quoi. Récemment, les chercheurs ont commencé à utiliser des scanners de cerveau. Ils ont allumé ça, ils ont mis ça sur des gens. Je ne sais pas comment ils font ça. Sur des gens, c'est que ça prend environ un cinquième de seconde pour tomber en amour. Ils disent aussi qu'il y a 12 zones du cerveau qui travaillent ensemble pour créer l'amour dans ton cerveau. Et on dit que l'effet de l'amour sur le cerveau est similaire visuellement, là, selon le scanner, au rush d'adrénaline ou de peu importe le rush que t'as quand tu prends de la cocaïne. Ouais. Fait que tu te prends une petite cuillère de chez McDo, là, si t'en as. À 4h20. À 4h20, c'est ça. Ça c'est, ouais. Tout va ensemble. Seulement 2% environ de la population mondiale a les yeux verts. C'est un des types une des couleurs de yeux les plus rares. C'est commun surtout parmi les gens qui ont une provenance d'Europe du Nord, parce que ces gens-là produisent moins de mélanine. D'autres types de couleurs de yeux qui sont très rares, il y a le rouge, surtout chez les albinos. Ouais. Et c'est quand même pas super attirant quand même. Là. Non, c'est ça. Ça fait science-fiction un petit peu. Pas les albinos, là, je parle de leurs yeux, c'est pas leur faute. Le violet, qui est rouge mais avec un reflet bleu. Un peu, donc ça donne du genre de violet. Ça, c'est sexy. T'as déjà vu et ça dans la vraie vie. Ouais, c'est t'as les yeux ambre. Ambre, c'est une sorte de jaune, je crois. Ouais, je me trompe pas. Que oui. Je pense que oui. Et noir. Et là, on parle pas de brun foncé, comme moi. T'sais, moi, c'est brun foncé. Toi, ça a l'air d'être pas mal foncé, toi aussi. Moi aussi, c'est très foncé. François? Mais, non, pas toi. Toi, c'est pas foncé. C'est plus vert. C'est plus vert? Vert-gris. Vert. Est-ce que t'es dans les 2%? Ouais. C'est un spécial. J'ai toujours su. Et donc, on parle de noir aussi, finalement. Dépendant de certains facteurs externes, comme la distance et l'angle, les yeux sont une des premières choses qu'on voit chez les autres. Donc, évidemment, il y a des gens qui sont privilégiés, comme François. Ouais. Il me fait des regards, puis je trouve ça un petit peu déplaisant. Salut. C'est pas parce qu'il y a comme une couleur des yeux comme spéciale qu'il y a des beaux yeux nécessairement. Hein? Oh, on remarque ce matin. Non, merci aussi. OK. Merci. Le premier ordinateur Apple One s'est vendu pour $666.66. Le premier Apple Computer, le premier Apple One. Steve Wozniak, et oui, j'ai bien dit Wozniak et non pas Wozniak. J'ai dit Steve Wozniak, parce qu'on entend souvent l'erreur. Là. Il y en a qui c'est Wozniak, mais lui, c'est Wozniak. Comme la joueuse, mais elle, c'est Wozniak, je crois. Voilà. Donc, le cofondateur d'Apple et le créateur de l'ordinateur personnel, Steve Wozniak, a donné comme prix à son ordinateur, l'Apple One, $666.66. L'Apple 1 a été fait à la main par Wozniak lui-même, sans aucune aide de l'extérieur. Et en 1975, la compagnie a vendu 200 unités à ce prix-là. Le prix, évidemment, a choqué bien des gens pour sa relation avec le chef studio. Mais lui, Wozniak, il dit qu'il n'a pas vu le lien du tout, là. Mais non. C'est qu'il aime les chiffres qui suivent, mais qui sont pareils, genre 6, 6, 6, 6. Puis 7, 7, 7, ça a été trop cher, 5, 5, 5, pas assez cher, il s'est dit 6, 6, 6, c'est parfait. Bon. Ensuite, en 77, Apple a baissé le prix du Apple 1 à $475, et aujourd'hui, on estime que ça va se vendre pour environ $15,000 si quelqu'un vend un ordinateur Apple One. Un de ces ordinateurs-là a été vendu $50,000 en enchère en 1999. Ils sont malades mentales. Il nous en reste deux derniers, on va essayer de finir ça là, comme ça. Là. Deux criminels, deux meurtriers se sont mariés, ou en fait vont se marier sans même s'être rencontrés en personne. Chacun dans une prison. Hein? Mais ça arrive souvent, ça. Ouais, ben, moi. Mais je pense. Mais je pense que ça arrive plus souvent comme quelqu'un qui est à l'extérieur d'une prison et quelqu'un qui est dans une prison. Ouais, mais là, c'est deux dans deux prisons différentes. Parce que là, il y en a qui aiment les bad boys. What bad boys, what you gonna do when they come for you, tu sais? Mm-hmm. Ouais. What you gonna do? Bad girl. Là. Bad girl. Il y en a sûrement une chanson. Mais... Big Girls, You Are Beautiful, de Mika. C'est pas ça? Non. Donc, la femme a 20 ans et elle sert elle est en prison, dans le fond. Qu'est-ce qu'elle a fait? Sa sentence de 32 ans. 32 ans, sa sentence, OK? Pour avoir aidé son ex-copain à tirer et à tuer un homme en 2010. Le mari, lui, a 26 ans et fait face à la peine de mort pour des meurtres multiples. Ouais, donc c'est des enfants de cœur. Ouais, leur romance, comme Angie disait, a commencé via le courrier, donc par des lettres qui ont été livrées de l'un à l'autre. Ensuite, ils ont commencé à échanger de plus en plus fréquemment leurs lettres. Ils sont tombés en amour, ils se sont jamais rencontrés. Ils ont pétitionné l'État de la Californie pour leur permettre de se marier dans une cérémonie où ils étaient séparés par un mur. Donc oui, séparés par un mur lors de la cérémonie. Mais moi, ça me dérange pas. Même que je trouve ça cool pour eux autres. Ben, moi, je trouve ça un peu bizarre, là. Bizarre, mais en même temps, ça l'est heureux. Ben oui. Hey, t'es en prison pour le reste de ta vie. Tu peux-tu te détendre avec des dettes? Non, mais tu sais, j'avoue. Non, mais c'est bien le fun, mais tu sais, je veux dire, ils se sont-tu vus au moins pendant leur mariage? On le sait-tu, ça? Je sais pas. Mais ils ont dû s'échanger de photos, là. Ben oui, je sais, mais tu sais, je veux dire, tu te maries, mais t'as même pas, tu peux même pas toucher la main de la personne avec qui tu te maries. C'est bizarre, mais. C'est important, c'est pas la main que tu vas toucher, de toute façon. Non, mais là, j'ai dit la main. Mais en tout cas, c'est leur choix. Qu'est-ce que tu veux toucher? Donc voilà. Bon, on va terminer là-dessus, je pense que ça va être mieux. Bon. Toucher la main. C'est un fait. C'est ça. On va terminer ici pour la première heure d'Assemblage requis. On va se retrouver tantôt avec la chronique de la GEQTR avec Anne-Julie Durocher. Qu'est-ce que tu veux dans cette chronique tantôt? Je vous parle des activités qui s'en viennent cette semaine, puis en revenant de la relâche. Non. C'est ça. Puis l'Assemblée générale spéciale. Ben c'est ça, c'est en revenant de la relâche. OK, ben excuse-moi. Fâche pas. Mais non, je me fâche pas. Tantôt, il jouait au quoi, roche-papier-ciseau? Ouais, j'ai gagné. Ah, gagné. Roche-papier-ciseau Spock, non? Spock? Oui, non, je suis pas capable de faire ça. Hein? Je suis pas capable de faire ça? Mais on me l'a appris l'autre jour, mais... On me l'a appris. Aïe, aïe, est-ce qu'il y avait des instructions là-dedans? Oui, vraiment. Étape petit A, petit B, petit C. Je vous dis que oui. Bon, donc restez là pour l'instant, c'est l'info qu'on puisse. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 29 février, dernier jour du mois 2012. Moi, c'est Mathieu Blanc. Et moi, François Louvier. C'était pas du tout à l'ordre. C'est pas demain, la dernière journée? Qui, mais non, on est le 29. Ah, oh, OK. Pensez qu'on était le 28. Non, le 29 février, ça arrive une fois ou quatre ans. Je sais. Hey, spécial comme journée. C'est une journée qui n'existe pas. En fait, aujourd'hui, on n'est pas là. Moi, je connaissais un gars qui était né à cette date-là. C'est fou quand même. Ouais, hein? Il doit avoir 4-5 ans. Ouais, 6. Oh. Non, 7. Ils doivent se faire dire ça assez fréquemment, ces gens. Oui, ça doit pas être une joke, genre, qu'ils entendent pour la première fois. Non, non, même si on est très, très originaux dans notre humour ici. Là. Qu'est-ce que. Un cheveu blanc? Ouais, c'est bizarre. Bon, on parlera pas de toi, tes cheveux. Ah, moi, j'en ai plus. Non, c'est ça. C'est fini, ça. J'aimerais ça, garder ça, les miens. Ça règle le problème. Est-ce que c'est Adjui qui les a arrachés? Non. Ouais, la question. Non, non, ils tombent ça. On écoute, on a créé un monstre, voici Brûle. Brûle. Tu veux que je brûle? Lourd, déçu d'un chant. Il faudrait très sûrement que je pense à descendre, mais la pesanteur me retient sur le divan. Un délire franchit le périmètre, je ne frissonne pas. L'étage d'en dessous flambe maintenant, je suis lucide. La pièce brûle dont on a créé un monstre à assemblage requis sur C'est fou. Et les talents musicaux de François-Olivier Marchand. Talent de chanteur? Ouais. C'est moyen, hein? En tout cas, on n'a pas vu ses talents de danseur la semaine dernière. C'est vrai? Non, je m'étais fait un entorse lombaire. Lombaire au pied. Puis non. Tu tiens ton coude en disant ça. Non, non, mais c'est parce que mon coude, il est revenu, là. Il était revenu à 100%. Mais bizarrement, en tout cas, c'est une longue histoire. Mais non, j'ai vraiment pas pu danser. C'est plate. C'est vraiment plate. Une autre fois. Mais ouais, oui. Une autre fois. Écoute, l'année prochaine, peut-être. Je vais m'en souvenir. Je vais marquer ça dans mon rapport. La personne qui va me remplacer. Celui doit danser. Dans le PV. Hein. Oui, c'est ça. C'est quelque ça. Chose au même. Bon, donc, on l'a dit, talent de chanteur, François, mais nous aussi, on a tous du talent. On est comme un band. On appelle ça Jasmine et les Mines de Rien. Ce band-là, oh, je ne sais pas wow! si c'est ça. C'est beau. Puis nous, on a chanté une chanson sur la GEQTR qu'on dédie à tous les étudiants. AGEQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à la GEQTR parce que la GEQTR, ça n'a pas d'âge. Yo, pro, pro. Anne-Julie Durocher de la GEQTR, bienvenue. Bien, bon moment. Ouais. Bon moment. Babi, babou, babou. Justin, bienvenue et bon matin. Ça a sorti le bon moment. Ouais. Une chanson que le refrain, c'est Bababi, Bobu, Bigrec qu'on joue des fois, c'est fou aussi. Ça ressemble à ça. Bababi, Bobu, Bigrec. Et c'est mauvais. C'est donc, Non, c'est mauvais cette chanson. C'est pas des pires, c'est. On cause. Ben, je vais recommencer avec mon bon matin. Bon matin! Bon matin! Comment ça va? Ça va bien, vous? Ouais, ça va. Oui, merci. Ouais. Respire, comme ça, si tu venais d'arriver, tu sais. Ça fait une heure qu'il est là. Donc, de quoi est-ce qu'on parle dans ta chronique cette semaine? Ben, on va revenir sur justement la soirée d'ensemble de la semaine dernière. Mm-hmm. Je vais vous annoncer les gagnants. François-Louis Marchand n'est pas le gagnant. Non, loin de là. Et ben, c'est ça, puis je vais vous parler de qu'est-ce qui se passe cette semaine, puis qu'est-ce qui se passe en revenant de la relâche. Super. Donc, soirée dansante. Ouais, soirée dansante, tu t'en parles. En fait, j'ai eu des échos de cette soirée-là. Ça a bien été, je pense, ça a bien fonctionné. Les gens étaient comme ravis. Ben, je pense d'avoir que participé oui. à ça. Ben, je pense que c'est une de tes forces cette année. En fait, les activités, que des bons commentaires. Mm-hmm. Oh, t'es comme en du fin, là, présentement, ce matin. J'aime gentil. Ça. De temps en temps. Non, mais félicitations, en fait. C'est... Merci. Mais... À toi et à la jeu, là, j'imagine ouais. que... C'est sûr que je fais pas ça tout seul. Ça, ben non. Mais il y a non, mais c'est vrai que c'est très, très apprécié les soirées, les différentes soirées qu'il y a eu tout au long de l'année. Donc, il y a eu musique, concours, moi j'allais dire de chant, mais ça ressemble à de la musique. Hein. Ça ressemble étrangement à de la musique. Non, mais il y a eu plein d'activités et même les activités récurrentes, là, comme quand on parle, mettons, de l'impro, ces trucs-là, ça a plus de succès que les autres années. Ben, l'impro, c'est tu peux me lancer des fleurs, mais j'ai aucun mérite là-dedans. Là. Non, c'est genre ça tout seul. Mais oui, c'est vrai que les activités de cette teneur-là, si on veut, ont bien marché cette année, là, des gens de. pas d'happening parce que c'est toutes les semaines, là, mais... Non, c'est ça, mais mon point, c'était plus... Il y a un petit peu plus d'implication étudiante. Les gens se présentent plus aux événements. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et puis, on a une belle diversité d'événements. Ouais. Ben, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et c'est très, très le fun, justement, que de plus en plus d'étudiants s'impliquent et viennent voir ces activités-là qu'on fait pour eux. Ouais, c'est ça. Qui les apprécient. C'est pour eux autres, hein? Ben oui. Fait que voulez-vous savoir c'était qui les gagnants? Hein? Qui? Hein? Donc, en troisième place, ça a été langue et linguistique. OK. La personne? C'est Annabelle Maton et Caroline Hobbs. OK. Il dansait quoi? C'était danse orientale, baladie orientale, oh, quelque chose comme ça. Baladie? Ouais. Ah, j'aurais pu faire accepter dans mon entorse lombaire. Ouais, t'aurais pu venir voir ça. Je peux vous dire que le monde a bien apprécié. Puis après ça, en deuxième place. Deuxième place. Biologie médicale. Biomed. Ben oui. Ça donnait. C'était encore du baladie. Oh, ouais. Uh-huh. Vous avez manqué deux bons shows de baladie. Puis c'était avec Mélodie. Là, j'oublie son nom de famille. J'oublie son nom de famille et j'oublie le nom de sa partenaire. Ah, OK. Je suis pas fine. Non, t'es pas fine. J'ai un blanc de mémoire ce matin. T'es vraiment pas gentille. Je sais. Et ça donnait quoi? Des points pour la Coupe des Assos. Mais tu veux pas savoir qui est arrivé en première place? Oui, oui, ben oui. Potentiellement. c'est ce qu'on va savoir laisser. Hein, hein? C'est Receb. C'est Bioéco. OK. Pourquoi Receb, donc? Les abréviations de quelque chose, de toute façon. Science, écologique, biologique et... Ouais, ça. Ouais. D'accord. C'est quelque chose comme ça, là. Fait que... Et la personne, c'était? Ben, c'est deux personnes, puis j'ai oublié leur nom aussi. Et dans c'est quoi? Eux, c'était du gumboot. OK. Est-ce que tu sais c'est quoi? Ben, la musique avec des bottes, là. Ben ouais, avec des bottes de pluie. Non, c'est comme si t'essayais d'enlever une gomme en dessous de ta botte, c'est ça? Ouais, mais pour vrai, il était très, très, très, très bonne et... Ah, c'était deux filles? Oui, c'était deux filles. Il était... Beaucoup de rythme, j'imagine, t'as pas le choix. Tout à fait, puis non, ils ont fait un très bon show et le monde a vraiment apprécié. Puis justement, c'était varié, là. On avait du baladi, on avait du gumboot, on avait un set carré durant la soirée. Un set carré? Oui, c'est quoi un set carré? C'est comme... Je pense pas que je peux comparer ça de la danse en ligne, là, mais je ne sais pas si le monde va comment être offusqué si je compare ça, mais c'est le genre de chorégraphie organisée. Okay. Breaky Heart. Ouais, mais non. Mais pas. Ouais, c'est ça. Fait que bref, ça c'est l'histoire qui a fait ça. Il y avait 6 associations en tout qui ont participé. Puis non, ça s'est bien passé. Puis on avait encore Simon Fitzbé à la console et à l'animation avec moi cette fois-ci. Fait un très bon travail. Puis on avait nos trois juges aussi qui ont... Donc, Marie-Pierre Forge-Bourret, je pense qu'elle a jugé. Oui. Finalement, elle a jugé, ouais. Oui, elle a été juge. Merveilleux. Et oui, c'est ça. On avait le Philippe Boulian de la troupe universitaire de danse Millennium. OK. Puis Myriam Ross, qui est à la maîtrise en philosophie puis qui fait son sujet de recherche et l'esthétique. Prend aussi des cours de danse, de cirque et autres. Excellent. Formidable. Mais oui. Fait que c'était une belle soirée. Et ça se déroulait quand? Jeudi passé. Mercredi passé, OK. Oui. Et ça revient une fois de temps en temps, mais c'est pas... Cette année, ça reviendra pas. Là. Okay. Mais l'année prochaine, ça va revenir. Merveilleux. Formidable. Puis c'est ça, puis ils gagnaient des bourses, les gagnants. C'est fun. C'est le fun, ben oui, c'est le fun. Ouais. En plus des points pour la Coupe des Assos. Ben c'est ça. Puis bon, pour cette semaine, un peu plus sérieux, demain. Manifestation à Québec. Oh, jeudi. Oui. Donc, si... 1er mars. On commence le mois de mars en feu. Oui, avec une manifestation à Québec. La GE fournit le transport, bien entendu. Donc, si vous voulez prendre part à la manifestation, vous n'avez qu'à venir vous inscrire. C'est ça, il faut s'inscrire. Bien, je veux dire, présentez-vous. Nous autres, on demande au monde de venir s'inscrire pour à peu près réserver le bon nombre d'autobus. Oui, c'est ça, exactement. Mais je veux dire, si vous décidez finalement que vous voulez venir puis que vous n'avez pas inscrit votre nom, je veux dire, présentez-vous puis... On vous poussera pas de là. Non, c'est ça. On va vous trouver de la place. Oui. Ne vous en faites pas. Donc, c'est ça. Venez. Sinon, si vous prenez votre décision aujourd'hui, venez inscrire votre nom sur la feuille, sur la porte de l'AGE. Donc, c'est ça pour... Et ça part à quelle heure? 11h30? 11h30. Puis je rappelle que c'est manifestation contre la hausse des frais de scolarité, bien sûr. Évidemment. Au cube? Au cube. Au cube. Au cube. 11h30 au cube. Pas une minute de retard. Pas trop de retard, là, mais je veux dire, vous pouvez prendre le temps de sortir de votre cour, de mettre votre manteau, puis vous en venir. Là. On sera pas trop sévère. Petit guidou. Oui. Puis, en revenant à la semaine de relâche, sujet très, très sérieux. Hein? Encore une fois. Ça va barder, là. Ben, j'aimerais ça que ça se passe bien, là. C'est pas obligé de battre. Non, mais c'est ça. Civilisé. Non, mais c'est. Ouais, non, c'est ça, exactement. En fait, mais il va y avoir de fortes discussions. Oui. Ben, on espère qu'il va y avoir des discussions. Il faut qu'il y ait des discussions. C'est là pour ça, finalement. C'est là pour ça. Et on parle de quoi, hein? On parle de l'Assemblée générale. Special. Oui. Donc, il y a eu, lors de la dernière Assemblée générale, le 8 février, il y a un étudiant qui a demandé à ce qu'on tienne une Assemblée générale spéciale de grève pour se positionner à savoir si on. S'il allait avoir une grève, dans le fond, à l'UQTR. Ce qui est important de savoir, c'est que un vote de grève ne peut avoir lieu que lorsqu'il y a une assemblée générale spéciale de grève qui est demandée. Donc, on peut pas décider ça comme nous. Ça peut pas être le conseil exécutif ni le conseil d'administration qui décide si on est en grève ou pas. OK. Si personne ne le demande, il n'y en aura pas. Faut que quelqu'un demande spécifiquement, on veut une assemblée générale spéciale. C'est ça. Ouais, il y a différents moyens de tenir une assemblée générale. Mais là, ça a été demandé lors de la dernière assemblée. Puis, donc, le conseil exécutif est obligé de tout mettre en place afin de tenir cette assemblée générale-là. Donc, c'est pour cette raison qu'on va être en assemblée générale mercredi, le 14 mars, à 18h30. Le lieu est finalement décidé. Ça va être au CAPS. Oh, ouais, c'est au CAPS. Il va y avoir beaucoup de gens. Oui. On prévoit, en tout cas. Ben, j'espère que le monde va venir. Je veux dire, c'est des grosses décisions qu'on prend qui ont une influence sur tous les étudiants. Sur votre futur. Ben oui, c'est ça. Puis c'est sur votre futur. Puis donc, c'est de votre devoir d'être présent, de vous présenter, de vous renseigner aussi. Là, vous avez une semaine de congé avant l'Assemblée générale, là? Reposez-vous. Reposez-vous, mais comme reposez-vous en faisant un petit peu de lecture, allez voir sur le site internet de la GE. Décidez de quel bord vous êtes, là, ça. Ben, c'est ça, mais ou sinon, de façon éclairée. Ben oui, ou sinon, tu peux te renseigner, tu peux directement là, à l'Assemblée générale spéciale, parce qu'il va y avoir quand même une période, un débat. Ben, nous autres, on aimerait qu'il y ait un débat, qu'il y ait des discussions. On ne peut pas provoquer le débat. Non, c'est ça. Nous autres, il va se faire tout seul, ça. On s'imagine. C'est sûr. Oui, on espère. On va espérer que le débat va se faire tout seul. Si on regarde juste un peu sur ce qui se passe sur Internet, je pense que. Oui, ben, c'est ça. Sur Facebook, il y a plusieurs débats déjà en cours. Puis on espère qu'en assemblée, il va toujours en avoir un, puis que le monde va. Se poser des questions, mais ils vont réfléchir. Mais vous pouvez profiter justement de la semaine de relâche pour aller voir sur le site internet de la GE ou sur d'autres forums, là, quel qu'il soit, libre de vous renseigner. Mais allez vous renseigner, je pense que c'est ce qui est le plus important pour arriver préparé à cette assemblée générale-là. Puis préparé aussi à écouter les opinions des autres étudiants. Ouais. Parce que dans le respect aussi. Oui, dans le respect. C'est important, je pense, parce que ça peut facilement déraper, là. Oui, puis c'est pour ça qu'on espère que tout va bien se passer dans le respect. Donc, je rappelle aussi que la GE a déjà pris position il y a quelques années, puis cette position-là, je vais vous la lire. Intégralement. Comme suit. Oui, donc c'est d'être contre toute réouverture du dossier des frais de scolarité tant qu'il n'y a pas eu d'états généraux. Donc, je rappelle qu'il n'y a pas eu d'états généraux depuis le rapport Parent paru en 64, si je me souviens bien, ou 63. États généraux, hein? Oui. Ça veut... ça englobe quoi, mettons? Bien, c'est je veux pas dire commission d'enquête là parce que c'est pas ça là. Commission plus, parlementaire. Là, non, mais c'est plus en fait de rencontrer tous les acteurs du milieu et de discuter ensemble. Donc ça c'est autant ça exclut personne. Non, c'est ça, c'est autant l'administration et de prendre le temps, je veux dire ça se règle pas en 24 heures dossier des la scolarité au Québec là, l'accessibilité aux études. Donc c'est vraiment de prendre le temps de s'asseoir avec tous les intervenants puis de discuter ensemble et de réfléchir à la question de l'éducation au Québec. Puis on s'entend d'arriver à une espèce de consensus à la fin. Oui, c'est ça, un consensus large et de bien savoir qu'est-ce que tout le monde veut. Et comprendre la situation réelle dans les universités et en éducation en général au Québec. Formidable. Donc, c'est la position qui a été prise en Assemblée générale. Donc, c'est la position de la GE. Donc, le conseil exécutif se doit de respecter cette position-là. Donc, il y en a beaucoup qui disent « Ah, la GE n'est pas neutre. » La GE n'a pas à être neutre puisqu'elle a cette position-là qui doit, dans le fond, la GE doit défendre le CX, doit défendre cette position. Peu importe la position des gens qui sont dans le CX nécessairement, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas du même avis, exactement, mais ils doivent le faire parce que ça a été dit en assemblée. Tout à fait, Mathieu. Merci pour la précision. J'essaie de comprendre autant que tout le monde. Bon. Puis, c'est ça. Pour ce qui est en assemblée générale, donc on va discuter à savoir s'il va y avoir une grève. Peut s'agir, en fait... Ça peut être une grève d'une journée. Ça peut être quoi? Ça peut être une grève générale illimitée, j'imagine? Ça peut être une grève générale... Ben, en fait, ça va dépendre des positions qui sont amenées par l'Assemblée, par le monde qui vont être présents. Par les étudiants, ouais, c'est oui. Ça, exactement. Donc, c'est vraiment important. Je veux dire, ça peut être une journée, ça peut être deux jours, ça peut être quatre jours, ça peut être une grève générale illimitée, puis à toutes les... exemple, les mardis, on va voter. Est-ce que ça pourrait être... Là, j'extrapole, là, je vais un peu dans la folie, mais est-ce que mettons, je pourrais me présenter... Bon, salut, François-Olivier Marchand, étudiant. Je propose d'aller à nos cours, mais de ne pas faire nos travaux de session et ne pas aller aux examens. Non, ce ne serait pas recevable parce qu'ici, on parle de grève. Tout ce qui concerne la grève. Ouais, OK, ouais. Donc, okay, mais je veux dire, les étudiants sont libres de faire leurs propositions. Puis ensuite, bien sûr, ça passe au vote, là. Je veux dire, c'est pas parce qu'on amène une proposition qui va être adoptée, là. Okay. Je pourrais arriver et dire, bon, j'aimerais, mettons, avoir une grève le lundi. Tous les lundis. Oui. Ça serait un peu spécial, mais j'ai juste un cours le lundi. Ouais, ça serait recevable. Mais c'est sûr que, tu sais, il faut comprendre que la grève, en fait, c'était le but de la grève, c'est de dégager un maximum de personnes pour avoir une participation massive actions et de montrer... Et d'avoir l'air sérieux aussi, de démontrer que justement, on n'accepte pas. Mais c'est ça, on n'accepte pas cette hausse des frais de scolarité-là. En fait, c'est pour montrer au gouvernement qu'on est contre cette hausse des frais de scolarité-là. Puis, par exemple, si on décidait que c'était une journée... Par exemple, le 22 mars, puisqu'il y a une manifestation nationale à Montréal, donc une journée de grève serait en fait d'encourager les étudiants et de permettre en fait aux étudiants de participer à cette manifestation-là. D'où le but d'une grève. Une journée de grève, mettons exemple, je me mets dans la place du gouvernement, c'est pas beaucoup. Mais je veux dire, aux étudiants de juger de par eux-mêmes de qu'est-ce qu'eux désirent. Puis, je veux dire... Mais juste une journée, c'est un peu spécial, non? Ben, il y en a qui ont voté ça. Il y a certains cégeps, universités, que c'est une journée ou deux journées. Je veux dire, c'est libre à eux. Il est mieux en avoir une ou deux que pas du tout. Ben, c'est ça. C'est ce que l'Assemblée décidera. Ouais. Donc, c'est ça. Puis aussi, concernant les cours, là, juste des petites précisions, là, si en cas de grève, il est important de savoir que la grève n'affecte pas les activités pédagogiques. Donc, tous les cours réguliers... Les stages... Ouais, non, j'ai dit n'affecte pas, affecte, en fait, affecte. La grève affecte toutes les activités pédagogiques, c'est-à-dire les cours réguliers et les cours en laboratoire. Mais n'affecte pas, justement, les stages et les cliniques universitaires ainsi que les laboratoires de recherche. Donc, ça, c'est très important de le savoir. Peu importe ce qu'on vous dit, les stages, les cliniques et les laboratoires de recherche ne sont pas affectés. D'accord. Ça, c'est clair. Et puis, pour l'assemblée qui a lieu, donc encore une fois, c'est le 14 mars. C'est ça. Il n'y a pas de levée de cours ce jour-là. Non, il n'y a pas de levée de cours. Le conseil exécutif a fait la demande d'une levée de cours. C'est refusé. Et la direction de l'université l'a refusé. Ouais. Mais n'avait pas le choix de refuser. Ben. C'est une règle du ministère. Ouais, c'est ça. C'est un peu une règle du ministère, en fait. Mais si tu ne la respectes pas, tu dois te faire taper ses doigts aussi. C'est eux qui voient, là, ouais, mais nous autres, on a le devoir de demander, le conseil exécutif, de demander une levée de cours, ce qui a été fait et ce qui a été refusé. Tout dans les règles de l'art, mais bon. Mais c'est quand même bien, par exemple, parce que c'était à 6h30. Oui. Donc, en fait, j'imagine qu'il y a plus d'étudiants disponibles à cette heure-là que sur l'heure du midi, mettons. Oui, c'est sûr que nous, on a évalué, en fait, toutes les différentes possibilités avec les horaires. T'sais, c'est sûr qu'on a pris en compte les semaines d'examen. Cette semaine, on est en examen. On ne voulait pas nuire aux étudiants. Notre but, c'est pas de la semaine prochaine, c'est la relâche, donc. Exactement. Les étudiants sont pas... Sur le campus. Presque ou pas. C'est ça, il y a peu d'étudiants sur le campus. Donc, on s'est dit, bon, en revenant de la relâche, le soir... Ça devrait être la personne où est-ce qu'il y a le plus d'étudiants. Donc, exemple, ceux qui sont en stage vont pouvoir aussi être présents. Parce que, je veux dire, c'est pas parce que t'es en stage et que ça n'affecte pas ton stage que tu n'as pas d'opinion. Oui. Donc, tout le monde va... après évaluation des différentes possibilités, on s'est dit mercredi soir que ce serait la meilleure des choses. 14, c'est un multiple de 7. 7, c'est chanceux. Deux fois plus de chance. On a fait ça comme ça. Ouais. Là, j'imagine qu'en fait, là, bon, évidemment, les étudiants qui vont se présenter, ça va être d'avoir en leur possession la carte étudiante. Oui. Pour que ça soit quand même rapide. J'imagine qu'il va y avoir comme plus qu'une table aussi pour s'inscrire. Oui, en fait, soit que ça va être comme on fait d'habitude là, avec les listes, ou sûrement qu'on va avoir en fait des lecteurs de cartes que le centre multiservice en fait va avoir du monde avec cool, nous ça. Pour nous aider pour en fait faciliter l'accès là, parce que on veut pas non plus perdre énormément de temps à faire rentrer les gens, on veut que tout se passe bien et le plus Le plus rapidement possible. Au moins pour rentrer dans la salle. Ben, c'est ça, exactement. Parce que si t'attends une heure dehors, je m'excuse, mais tu vas peut-être t'en aller ou tu vas peut-être... Ben, c'est ça, on veut au moins que commencer l'assemblée dans les meilleures conditions possibles. Exactement. Puis, dernière chose aussi qui est importante de savoir pour les en cas de grève, qu'est-ce qui se passe avec la session? Hein? Vous demandez ça, hein? Qu'est-ce qui va se passer avec votre session? Mais en fait, aucune université au Québec n'a les capacités logistiques de décaler une cohorte d'un an. Là. Tout d'abord, c'est important de le savoir. Ouais, c'est ça. C'est... Puis ensuite, il y a déjà eu des grèves générales illimitées dans le passé. Je veux dire, ça serait pas la première. C'est pas la première dans les autres universités non plus. Puis l'administration prend en fait des arrangements avec les étudiants. DES, avoir un S sur ça, ouais, relevé de notes. Ouais. S pour succès. C'est en plein ça. T'as pas de notes, mais t'as réussi ton cours quand même. C'est en plein ça. Puis il y a aussi qu'il faut savoir que des fois, en fait, avec l'enseignant, avec l'accord de l'enseignant, c'est un travail, un travail de session, mais avec les consignes déjà préétablies et tout ça qui peut être décidé. Mais n'oubliez pas aussi qu'on va avoir passé la mi-session. Donc... vous avez déjà un certain pourcentage d'amasser sur le 100% total de votre note là aussi. Là, fait que c'est à prendre en considération. Là, c'est pas, vous n'aurez pas d'examen qui vale 100%. Là. Okay. Non, c'est ça. Non, c'est impossible. Non. C'est pas mal ce qui est important de savoir concernant la grève et l'Assemblée générale, mais de toute façon, je vais vous en reparler le mercredi 14 mars. J'espère. Et tu vas être là la semaine prochaine aussi. Toi, tu prends pas de relâche. Moi, je prends pas de relâche. Je travaille tout le temps. Hein? Et t'es fier. Ah ouais. Mais de toute façon, c'est ça va se dérouler. Rappelle la date, l'heure, puis la place. 14 mars. 18h30. Au CAPS. Formidable. Mais de toute façon, le 14 mars, écoute, en exclusivité, tu vas être ici le matin. Eh oui. Bon. Longue journée. Chanceux. On va en reparler et on va essayer de mobiliser le plus de gens possible. Oui. De se présenter. Oui. Au CAPS, le 14 mars. Allez, voter. Ah oui, hey, mais sinon, j'ai oublié de dire quelque chose. Hein? Vas-y. 14 mars, après l'Assemblée générale. Que vous ayez gagné ou perdu votre opinion, en fait. Ben, pas, vous n'allez pas perdre votre opinion, mais vous allez pouvoir venir fêter, célébrer, vous changer les idées. C'est-tu On danse avec les loups, là, c'est en plein ça. Ouais. On danse avec les loups au 10-12. C'est quoi, ça? Ben, c'est un party, cabane à sucre. OK. Va-tu avoir des loups? Non? Des chandails avec des loups, peut-être, des chandaux. Oui, moi, en fait, je vous recommande fortement d'arriver avec vos chandails de loups, vos tucs de poils et vos chemises à carreaux parce que c'est thème cabane à sucre et loups. Et loups. OK. C'est ça. Okay. Fait que, on va avoir de la tire? Non, mais on va avoir de la tire le 5 avril sur le campus au coût de 50 sous. Super. Bon, mais je vais vous en reparler, c'est loin, là. Ça, mais cool. Ouais. Juste ici, là. Ouais. Oui. Ouais, juste ici, tu le pointes, le monde savent exactement où tu parles. Non, mais juste à côté du pavillon. Ouais, ouais. C'est ouais. À côté du pavillon de Rébeau-Chouin. Que la cabane à sucre. Ouais. Mais là, le party, on danse avec les loups, bien sûr. C'est au 10-12, de Rébeau-Chouin. Le 14 mars. 14 mars, le soir, après l'Assemblée générale. Peut-être qu'il n'y aura pas d'école le lendemain, là. Peut-être. Ben, peut-être. Si la grève générale est limitée et votée, ouais, ça mais, commence là. Mais faut savoir que la grève générale limitée, c'est pas des vacances, là. Non, je sais. Mais tu sais, t'as quand même pas de cours à 8 heures. Ouais, mais tu viens faire du piquetage. Tu viens faire du piquetage, mais tu sais, t'as pas besoin d'écouter. Là. Ben, faut quand même que tu sois réveillé. Là. Ben non, mais c'est sûr, là, faut que tu sois debout, mais tu sais. Ouais, ben c'est ça. En tout cas, on verra qu'est-ce qui va se décider. Mais c'est ça, si c'est voté, ça prend effet quand? Tout de suite après? Ben, ça dépend des dates qui sont votées, là, je veux dire. OK, mais grève générale illimitée? Ben, ça dépend, elle peut commencer. Okay, admettons, il peut avoir un plafond. Là. Admettons, quand il va y avoir 90 000 étudiants en grève générale, on va rentrer en grève. Ouais, ça peut être à partir de telle date, on rentre en grève. Okay, donc, bon, ben, ça dépend de différents facteurs, fait que je peux pas vous répondre aujourd'hui. Petit glou. Merci beaucoup. J'ai fini. Merci. Ça fait plaisir. C'est une prochaine, mercredi, 8 h. 8 h? Ouais. C'est tard. C'est pas ça d'habitude? Ben oui, mais je viens avant pour vous Ah voir. Oui, mais là, ta chronique, t'as 8 heures. OK. T'es là avant. La semaine prochaine, la porte va de bord. OK, mais j'ai le droit de rentrer à 8 heures. C'est bon, vous êtes fin. T'arrives quand tu veux, Anne-Julie, voyons donc. C'est bien qu'on t'apprécie, qu'on t'adore. Oh, tu peux arriver le mercredi vers 10 heures. C'est pas fin, ça. Je t'avais dit que j'aimais mieux Mathieu maintenant. Ouais, je sais. Mathieu, cœur de lion. Cœur de lion. Ça veut rien dire. C'est n'importe quoi, c'est insulte. C'est n'importe quoi. Non, mais cœur de lion, c'est ça veut dire. C'est insulte. Cœur de lion, il n'y a pas. C'est un grand cœur. Mais lion, il n'y a pas de cerveau, c'est ça l'affaire. Non, cœur de lion, dans le magicien d'Oz, c'est qu'il n'y a pas de cœur. Pas de cœur. Il n'y a pas de courage. Pas de courage. Ah ouais, en fait, non, c'est pas de cœur, c'est de courage. Courage de lion? Mais oui, il cherche son courage. Non, cœur de lion, c'est. Un lion, c'est quoi? C'est le roi de la jungle? Mathieu, c'est le. Non, cœur de lion, je pense que c'est dans le magicien d'Oz. Il doit chercher son cœur. Je pense qu'il n'y a pas d'émotion. C'est fin, je pleure tout le temps. C'était fin, c'était pas méchant. Non, mais c'est fin. Je pense que c'est fin. Ouais, c'est fin. OK, bon. Là, fais pas tes idées comme correct, ça. C'est correct, j'essaie de comprendre, c'est tout. Je vais faire un dessin. Tes références, ouais, c'est ça. Bon. Donc, Anne-Julie, est-ce que tu restes avec nous un petit peu? Non, c'est en un cours, je pense. Non, j'ai pas de cours, là, mercredi. Ben, reste ça. Ben, c'est ça, je vais faire. Va à la chronique de Gabriel Degrasse, tantôt. Non. Non, non, elle ne sera pas là. Sérieux? Elle ne sera deux pas là jours aujourd'hui. De suite. Elle ne sera pas là. Mais voyons. Elle remet ça en revenant de la relâche. Je peux refaire une autre chronique, si vous voulez. Si tu veux. Non, c'est carré. Bon. Donc, on écoute Vincent Vallière. C'est la dernière chance qu'on a de la faire jouer. C'est toi qui l'as suggéré, Anne-Julie. Ben oui. Vas-y, présente-la. C'est février. Ouais. La pièce, c'est février? Ben, ou c'est le mois de février? Ben, on est le mois de février, dernière journée. Ah! La pièce, c'est février, de Vincent Vallière. Vince Val! C'est ça. À son âge requis sur ses coups. Février, jouer dehors. Février, les enfants. Février, faire un fort. Février, perdre ses gants. Février, su des skis. Février, en traîneau. Février, en skidou. Ou la langue sur le poteau. Février, le hockey. Février, les pieds gelés. Février, puis rentrer. Frileux et grippé. Février, par la fenêtre. Février, la tempête. Février, vent du nord. Février, tuc, foulard. Encore, encore, encore, hein. Février, puis du blanc comme l'an d'avant. Avant, après, pendant. Maudis-moi malfaisant. Je t'aime, hein. De temps en temps. Février la débine, février contre Sidro, février Valentine, faut qu'on se garde au chaud, février dans le noir, février de bonheur. Février, désespoir, février dans mon cœur. Février, coupe de rouge, février, caribou. Février, tini rouge, février, un peu saoul. Février, dans le bouchon, ou dans le clos d'un canton. Février, dépression, février, toucher le fond. Février, puis du blanc. Blanc comme l'an d'avant, avant, après, pendant, maudis-moi malfaisant, je t'aime, mais pas tout le temps. Février, c'est la fête. Février, des heures bêtes. Février, débarrasse. Mets donc ça, ça glace. Dis-moi, dis-moi, qui en finit pas. Je t'aime au fond quand t'es plus là. En attendant du blanc comme l'an d'avant. Avant, après, pendant. Beau pays malfaisant, je t'aime. Mais plus maintenant. Au retour, un petit bloc, écoutons la don la chanson. J'ai un petit plan pour vous autres, mais vous allez voir. M'a remplacé ça, moi, une Gabrielle Lagrasse. C'est Assemblage Ricky. Assemblage Ricky pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fous. Pour l'écouter. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Ah, ça, c'était juste pour toi, Anne-Julie. Juste pour toi. De? Il danse avec les genoux. Oui, il danse avec les genoux. Mais oui. Parce qu'on a parlé des danses avec les loups tantôt. C'est concept, hein? Ouais. C'est donc la formation Il danse avec les genoux et la pièce La Grande Chef à Assemblage Requis. C'est ce qu'on vient d'entendre. Maintenant, ben, étant donné qu'on a du temps un petit peu aujourd'hui, on va passer tout plein de bonnes musiques. On va choisir comme ça tantôt. Mais avant ça, j'ai un petit bloc spécial pour vous. Écoutons là-dedans la chanson. La chanson. Écoutons là-dedans la chanson, c'est mon bloc quiz. C'est rare qu'on fait ça, mais on joue trois pièces ensemble et vous devez deviner ce qui relie ces pièces-là. C'est un thème précis. J'aurais dû aller chercher des instruments à Jasmine dans le bureau. Pour buzzer. Ben oui. Ah, t'es à garder? Ben oui. On les garde précieusement. Oui. Donc, on va entendre plus tard dans ce bloc-là du Salomé Leclerc. OK? Et du Chantal Archambault. Donc, déjà, je sais que François, il fait comme ses petites oreilles de chat font oui, j'aime ça. Mais on débute avec Marie-Pierre Arthur. Voici Fil de soie. Fil de soie de Marie-Pierre Arthur. Ne l'attends pas, elle rentrera trop tard. Ferme les yeux. Sur toi, tu la reverras. Même de loin, elle te suit pas à pas. Tu manqueras de rien. Tu sais bien, elle est toute à toi. J'ai le feu.

Eh bien, il y en a une plus intelligente que deux, ah, deux autres. C'est la magie d'écoutons-la dans la chanson. J'aime ça, ouh, cette partie-là. Donc, merci d'avoir gagné, Angie. Ça me fait plaisir. T'as gagné? Ben oui, ben comme récompense, je te donne une pièce de ton choix. Oui. Et allez, présente-la. Allez, fais-le. Mais non, j'ai comme pas envie de parler en anglais. Allez, allez. C'est le service postal. Service postal. Hein? Avec, on peut dire en français. Quelque chose de haut. Oui, de très haut. Très haut. Voici Such Great Heights, the Postal Service. De l'assemblage requis, il nous reste encore 15 minutes environ. Ouh, la danse des épaules. Il danse avec les danse épaules. Danse des épaules. Comme à chaque semaine. Plan de demain à assemblage requis. Un autre animateur de radio est exposé par Simon Fitzby dans Phénomène. On parle de politique avec François Landry et Logocratie 101. Et on se crée des besoins. Non, ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Soyez-y demain dès 7h. Assez fou. Adieu le cœur de pie. Hey, Colin, ça sort. Ouais. Comme adieu le cœur de pion. Cœur de pirate. Oui. Oui. Adieu. Toujours ensemble. Adieu la voix. Adieu la voix. Bah, ça s'en vient tranquillement pas vite. Hein. Elle s'en va. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Donc, c'était un choix d'Aljulie, du Rocher, il faut le dire. Ben oui, c'est moi qui l'ai choisi. Comme l'autre avant, Postal Service, qu'on a entendu avec évidemment la pièce Such Great Heights. Oui, j'ai du goût. Hein. T'as du goût. Bravo. Ouais. Ça. Moi, je vous suggère d'aller entendre une pièce d'un groupe qu'on appelle Topanga, qu'on aime beaucoup. Oui, oui, mais oui. Pas Fogo Island. Ah oh, non. Non, non, non, laquelle? Non, pas celle du palmarès. On va l'entendre pour faire un lien avec plus tôt dans l'émission pour ceux qui étaient là. C'est pour vous récompenser d'être à l'écoute plus longtemps. Ça. C'est laquelle? C'est ce qu'on veut. C'est Lionheart. Oh! Oh. Cœur de lion! Topanga, assemblage avec lui. C'est pas moi qui va faire le bruit ici. Là. Yeah. Topanga et Lionheart. Oh, cœur de lion est parmi nous. Qui va être à l'Esco au Griff ce vendredi à Montréal? Cool. Topanga, ouais. Tu vas y aller? Ah, peut-être. T'as envie, en peut-être. Cas. J'ai vraiment très, très le goût d'aller le voir. Cool. J'adore ce groupe. Donne-nous des nouvelles de Topanga. Ou non, si je vois pas, je vous en donnerai pas. Voilà. J'espère, c'est ça. C'est comme Anne-Julie qui dit il y a des camions de pompiers sur ma rue cette semaine, potentiellement qu'il y a un feu. Sûrement. Potentiellement. Ouais. Mais je sais pas pourquoi il était juste comme sur ma rue. Puis c'était vraiment fatiguant, en fait. Parce qu'il y a comme les lumières de police. Ouais. Moi, j'étais couché. Ça m'a réveillé, les lumières dans ma chambre, parce que, en tout cas, dans l'angle qui était. Ouais. Puis ça m'a empêché de dormir pendant vraiment longtemps, mais j'ai jamais vu de feu. T'es sûr qu'il était pas chez vous? Certaines. 100%. Il n'y a pas de pompiers qui sont rentrés, là. Ouais. Le... ça l'explique peut-être pourquoi il y avait tu des pompiers dans ça, ma chambre. Ouais, dans ses rêves, il y a un gars en uniforme à quelque part. Hein. C'est ça. On sait tout d'Anne-Julie maintenant. Ben oui. C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin à 7h. Qu'est-ce qu'on a à l'émission demain? Évidemment, Simon Fitzbay. Simon Fitzbay nous parle d'un animateur de radio. Oui, exactement. Encore? Et à 8h30, François Landry va nous parler de politique. De politique. On va sûrement aborder la CAQ, j'imagine. Peut-être. C'est-tu à toutes les semaines qu'on va aborder la CAQ? À chaque semaine, on l'aborde. Mais c'est ce qu'on fait, c'est ça. C'est pas des mensonges. Okay. Non, mais je le sais, mais je trouve ça drôle. C'est quoi cette attitude-là? Va un peu plus loin, tu sais. Arrive avec une surprise. écoute, c'est François qui nous arrive avec les surprises. Ouais. C'est pas moi. Je sais, il est surprenant. C'est vrai, ça. C'est oui. Des bonnes surprises. Mais oui, il était intéressant. Donc, c'est demain à 7h. Restez sur nos ondes pour SPM de gars à 10h à l'émission qui parle de sport, de politique et de médias. Ensuite, à 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, la reprise de Catalepsie. À 16h, même chose pour La Spirale. Ensuite, on est de retour en direct. Kim Bergeron anime 6 degrés à 17h. À 19h, on entre dans une portion électronique. C'est le lobby à 19h, Psy-TR à 21h et Transformer à 22h. Allez voir le cif.ca pour la programmation et assemblagerequis.com pour les notes d'émission et les balados diffusion. On se quitte, vu que c'est la fin, avec la pièce The End of That. Ben, c'est à la fin de tout ça. Oh, on est concept aujourd'hui, hein? C'est plein de synonymes. On se crée de liens, hein? C'est comme on se créerait la chose, là. C'est quoi l'émission, là? Tout ou lien, les lundis à 17h. Avec Max Tanguay et Alex Drouin. Hein? C'est une pub, ça. On l'a fait souvent, cette pub-là. Mm-hmm. C'est ça. Mm-hmm. Ils sont bons, si tu veux. Hey, ils ont parlé d'eux autres dans le Nouvelliste, là. Hey, ils sont vraiment bons. J'ai jamais entendu parler d'assemblage requis dans le Nouvelliste, mais. Vraiment. Fait que. Vraiment. Faites votre job. Hey, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. I tried your cocaine just to know what it could do. I had to try it again just to give it a second chance. But it tore out my soul, passed out, crashed out on a mat, and that was the end of that. Lately, I've been such a drag, all down in the dumps, man, moping and dragging my feet, coping with a life of luxuries, focus on my defeats and all the things it sucks to be. Like the great one said, it's a crockery crab. And that was the end of that. Here we go. Wait, don't go. No. You distract me so, you make it so easy to hide in the scenery. Jewelry, like some fucked up bumblebee heading for the potpourri of the ladies' room. Wait, don't go. You turn me on so with your beasting lips and your pepper grinder hips. Like a thread and a needle, we're just typical people. We're hoping to be friends, do cool stuff, and be equal. I think that's where it's at. Can we just say that, oh, Or was it